podcast France Culture. Il y a une très grande personnalité qui a également connu le docteur Yersin. Je crois que vous avez une lettre à ce sujet, c'est le maréchal Lyautey. Oui, monsieur, je vais vous en lire... Je vous en prie. ...quelques lignes. Il y a le docteur Yersin, élève de Pasteur et du docteur Roux. Ce jeune médecin de la marine, il n'a pas 30 ans. S'est voué à la science microbienne et à la recherche spéciale des vaccins. Il s'est attelé d'abord aux deux fléaux, peste bovine et peste humaine dite bubonique. Il s'est installé à Niatran, dans le laboratoire pasteurien, et ce sont des heures de réconfort qu'on passe dans cet établissement encore rudimentaire avec ce jeune savant sans besoin personnel, uniquement possédé par son œuvre. Je crois qu'on a désormais bien fait connaissance, alors peut-être qu'il faut raconter maintenant comment on m'a identifié et comment on m'a nommé du nom de mon découvreur, Alexandre Yersin. Parce que tout ça est assez récent, finalement, et c'est lié au fait que j'ai réapparu en Chine au milieu du 19e siècle. 19 juin. Nous décidons que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est que je me fasse construire une petite paillote à côté du grand hôpital. Là, je serai chez moi, je pourrai travailler plus à l'aise. La grande peste, l'empreinte d'une tueuse. 8e épisode. L'ADN du mal. On est ici dans ce qui était la bibliothèque de l'Institut Pasteur. Donc, Yersin est l'un des lieutenants de Pasteur. Maxime Schwartz est un ardent pasteurien qui a écrit un livre sur Alexandre Yersin et c'est pour ça qu'on a été le rencontrer. Alors ça, c'est la vitrine qui est consacrée à Yersin, puisque vous pouvez voir ici donc, le portrait d'Alexandre Yersin. Il pose devant cette petite cabane, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans cette petite cabane, il avait une partie qui était consacrée aux expériences, où il manipulait donc le bacille de la peste, des animaux infectés par le bacille de la peste, et puis dans l'autre moitié, eh ben, il dormait. Et quand on imagine aujourd'hui toutes les précautions qu'on prend pour manipuler des bacilles pathogènes, et aussi pathogènes que la peste, on est quand même très étonné. Je puis déjà ce soir m'installer dans ma paillote et y dormir. Mais il y a malheureusement tellement de moustiques dans ce quartier qui est fort marécageux que je suis littéralement dévoré par eux. Cela ne m'empêche pas de jouir d'être enfin chez moi. En septembre 1890, Yersin a décidé qu'il allait quitter la recherche, l'Institut Pasteur. Il avait envie de faire des grands voyages et son rêve était enfant de devenir un explorateur comme Livingstone. Et donc, c'est pour ça qu'en septembre 1890, il a quitté l'Institut Pasteur et il s'est fait engager comme médecin de bord dans la compagnie des messageries maritimes et qu'il a été envoyé à ce titre dans les côtes de ce qui était donc l'Indochine. Le 17 mai, en rentrant à Saïgon de mon dernier voyage chez les Moy, j'apprends qu'une nouvelle dépêche ministérielle arrivée depuis peu me désigne formellement pour être envoyé au Yunnan, afin d'y étudier la peste. Mais cette année, l'épidémie de peste continuant à progresser en Chine a gagné Canton et Hong Kong, où elle sévit actuellement avec une grande intensité. La première chose que j'aurai à faire dans l'étude de la peste sera de rechercher son microbe. Le gouvernement français s'intéresse à cette question parce que la peste menace d'arriver en Indochine. Et l'Indochine, c'était une colonie française. Et donc, la France ne souhaitait pas que la peste y arrive. Donc, c'était ça la raison principale. Alors, il arrive à Hong Kong. Ça, c'était au mois de juin, donc 1894. Très précisément, il est arrivé le 15 juin 1894. Où il voit une ville à moitié vide, la moitié des habitants sont partis, environ 100 000 personnes sont parties, il y a des cadavres partout, bon, les rues sont désertes, il y a des rats morts partout, et c'est donc une atmosphère terrible. Il faut savoir qu'à l'époque, Hong Kong était sous domination britannique, et donc les soldats britanniques prenaient des tas de mesures pour essayer de limiter l'épidémie, en aspergeant toutes les maisons qui avaient été contaminées, en brûlant tous les meubles qu'il y avait dans les maisons contaminées, etc. Au début de l'épidémie, les malades étaient soignés dans l'ancienne verrerie qu'on a été obligé d'abandonner pour partager les malades entre le poste de police et les nouveaux abattoirs qui sont en construction tout près de là. C'est à la station de police de Candy Town que le docteur voudrait m'installer. Malheureusement pour moi, une mission japonaise, venue comme moi à Hong Kong pour y étudier la peste, a déjà pris la meilleure place. Ils étaient accueillis à bras ouverts par les Britanniques. Mais Yersin, lui, il n'était pas du tout vu d'un bon œil. Les relations franco-anglaises n'ont jamais été très très bonnes. Mais en l'occurrence, c'est certain qu'entre les écoles de Corps et celles de Pasteur, il y avait une rivalité. Et donc Kitasato, c'était l'école de Corps. Et il se trouve que les Japonais étaient bien vus des Britanniques, alors que les Français ne l'étaient pas trop, au niveau en tout cas gouvernemental. Les Japonais, au nombre de 6, sont arrivés ici 3 ou 4 jours avant moi. Le jour même de leur arrivée, les journaux publiaient que le professeur Kitasato avait déjà découvert le microbe de la peste, et que ce microbe est un bacille allongé, très abondant dans le sang des cadavres. Donc l'opinion publique a longtemps pensé que c'était Kitasato qui l'avait trouvé. Mais il s'avéra assez rapidement que le bacille isolé par Kitasato n'était pas le bon. Et la raison, c'était qu'il avait été cherché essentiellement dans le sang des malades, où il y a très peu de bacilles de la peste, et pas dans le bubon. Il a fallu attendre 1925 pour que Kitasato lui-même, dans un colloque, reconnaisse que c'était Yersin qui avait isolé le bon bacille. Mais ce n'était pas encore fini. Il a fallu attendre 1980 pour que cela soit reconnu par la communauté internationale et que le nom de Yersinia pestis soit donné au bacille de la peste. 18 juin. Il y a bien des autopsies aujourd'hui, mais elles sont réservées pour les Japonais. 20 juin. J'essaye d'obtenir de quelques matelots anglais qu'ils me laissent enlever le bubon des morts avant qu'on les porte en terre. Quelques piastres judicieusement distribués ont un effet immédiat. J'enlève un peu la chaux pour découvrir la région crurale. Le bubon est bien net. Je l'enlève en moins d'une minute et je monte à mon laboratoire. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de très petits bâtonnets trapus à extrémités arrondies. Il y a beaucoup de chances pour que mon microbe soit celui de la peste, mais je n'ai pas encore le droit de l'affirmer. Alexandre Yersin. Mais un autre pasteurien qui a joué un rôle majeur peu après, c'était en 98, donc 4 ans plus tard, il était à Karachi. Il a fait des expériences en fait dans sa chambre d'hôtel qui lui ont permis de montrer que la peste, le bacille de la peste, était transmis par des puces. Les expériences étaient très simples. Il avait une cage double, donc avec un grillage entre les deux cages. Et dans un des compartiments, il mettait un rat qui était atteint de la peste, qui était moribond. Et puis de l'autre côté, un rat qui n'avait pas la peste. Il avait déjà une indication que c'était les puces qui avaient quitté le cadavre du premier rat qui, à ce moment-là, allait atteindre le second. Il a confirmé cela en prélevant des puces sur un rat qui avait la peste. Il en fait une bouillie qu'il injectait à un autre rat et ça lui transmettait la peste. Donc c'était la preuve directe que les puces étaient capables de véhiculer le bacille de la peste. À savoir que le monde entier est en proie à une épidémie diabolique. Station Dumont-Durville, France. Ils ont mis du temps à comprendre que je ne les visais pas particulièrement. Moi, je cherchais juste un hôte, quelqu'un sur qui me nourrir et m'épanouir. Je ne cherchais même pas forcément à tuer. J'aurais d'ailleurs préféré qu'il reste en vie. Ça m'aurait évité de me déplacer. Alors oui, la puce, la marmotte, la gerbille. En tous les cas, après ça, j'ai commencé à intéresser les généticiens. Maintenant qu'on m'avait identifié, ils voulaient s'assurer que j'étais bien à l'origine de la grande épidémie mortelle du 14e, comme si ça pouvait être quelqu'un d'autre. Alors ça fait un certain nombre d'années que les paléogénéticiens s'intéressent à la peste, en particulier celle de 1347-48 et les rebours qu'il y a eu ensuite dans les décennies suivantes. Ludovic Orlando, il est paléogénéticien et on a été le voir parce qu'il explore les gènes de nos ancêtres pour y chercher entre autres la peste. Parce que c'est une des plus grandes meurtrières de l'histoire. La peste, c'est une maladie qui est causée par une bactérie, Yersinia pestis de son nom savant. Donc quand des historiens de l'époque rapportaient une pestilence, un mal pestilentiel, Ils voulaient peut-être dire par là autre chose que la peste. Ils ont ce quelque chose, aurait pu être une variole, aurait pu être une peste, aurait pu être que sais-je encore. Donc il y a toujours eu ce mystère que de savoir s'agissait-il en fait d'une peste quand on parlait de la peste noire. Et l'avantage, si je puis dire, avec la peste, c'est que c'est une bactérie dont le patrimoine génétique est porté lui aussi par l'ADN. Et c'est ainsi que la démonstration a pu être faite, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant de cela, en 2010, que la totalité du texte de cette peste, puisqu'il s'agissait en effet de Yersinia pestis, a pu être décodée. Quand il est à température extrêmement basse, le virus est en sommeil. Mais à moins 10 degrés, il recommence à se reproduire en force. Et puis, à moins 3 degrés, la vitesse de reproduction s'accroît d'à peu près 100%. On n'est pas fichu de savoir si on a affaire à un seul virus ou à plusieurs. Pire encore, en fait, on ne sait même pas d'où il est venu ni comment il est venu. On n'a peut-être pas cherché dans la bonne direction. Nous avons cherché dans toutes les directions, sénateur. Et alors peut-être vous pouvez nous parler, Michel Signoli, de ce moment où, alors je crois que vous avez participé à cette découverte, à cette identification de l'ADN de Yersinia pestis, donc pour la première fois. C'est des moments d'une carrière qu'on n'oublie jamais. Michel Signoli, il est archéologue et sa spécialité, ce sont les sépultures de catastrophes. C'est à la suite en fait de la découverte d'un charnier de peste à Marseille, de la fameuse épidémie donc, du XVIIIe siècle, où nous avons travaillé avec des collègues microbiologistes de l'IHU de Marseille. Et l'idée était un peu au départ, si je puis résumer et faire dans le pédagogique, de confirmer qu'il fait jour à midi. C'est-à-dire que, effectivement, arriver à confirmer que les gens de 1720-1722 à Marseille étaient bien morts de la peste, c'était quelque chose qui était évident. Il y avait donc un véritable challenge méthodologique pour identifier l'ADN ancien de la bactérie responsable de la peste, en l'occurrence de Yersinia pestis. Le professeur Didier Raoult débarque dans notre bureau, nous avions bureau, nous étions deux ou trois, et nous demande de faire des prélèvements sur les squelettes que nous venions d'exhumer de ce charnier de pestiféré près de la Vieille Charité. Et au départ, on était parti sur des parties du squelette qui ont beaucoup d'os spongieux. Ça n'a pas fonctionné. Et au bout de quelques temps, donc Didier Raoult est parti sur une autre idée. L'idée, c'était de travailler sur la dent pour récupérer la pulpe dentaire, parce que la pulpe dentaire est particulièrement irriguée. Et dans cette chambre pulpaire, vous avez encore des traces de sang. Et donc, une maladie comme la peste qui est véhiculée par le sang, qui se termine par une septicémie, bien évidemment, si vous avez la chance de trouver du sang, vous avez toutes les chances de trouver le bacille de la peste. Et c'est comme ça que ça a marché. Excusez-moi. Salt. Oui, colonel. Je veux que tu donnes ça au Rhésus, et pendant que tu y es, tu le mélanges à un virus et tu l'analyses. Oui? Oui, colonel. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Bien, ce n'est pas du jus d'orange, colonel. Non, ça n'est pas. Colonel? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il va peut-être nous le dire. Donc le jeu qui a été fait, si je puis dire, en 2010, sur des restes de défunts du cimetière de Smithfield, c'est à l'est de Londres, donc il y a un cimetière qui est daté de 1347-1348, qui a été découvert suite à des travaux habituels hein, d'urbanisme pour la construction d'une station de métro, je crois, eh bien des corps ont été retrouvés, donc à partir de leur ADN là, la grande découverte, ça a été que non seulement il s'agissait d'une version texte peste, mais l'ADN était suffisamment bien conservé, qu'une fois qu'ils ont déterminé que c'est peste, il a été possible de lire la totalité de l'information génétique de cette peste. Et donc, Ludovic Orlando, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il a fallu attendre 2010 pour être bien sûr que la grande peste, la peste noire, était bien la peste. Alors c'est absolument vrai, et ça peut paraître tard, hein, 2010, et cette année-là, elle n'est pas là par hasard. C'est que précédemment, pour faire de l'ADN fossile, de l'archéologie moléculaire, on a dit de la paléogénétique tout à l'heure, eh bien on avait certaines technologies à notre arc jusqu'à début 2010. Mais ce qui s'est produit entre 2005 et 2010, c'est que sont apparus les séquenceurs dits de nouvelle génération. On les appelle plus communément aujourd'hui les séquenceurs à très haut débit. Si bien que ces machines ont permis de faire en parallèle ce qui était impossible de faire au préalable à partir des années, fin des années 2000, début des années 2010. Le travail de 2010, lui, a amené un point final à cette question. Il s'agissait en effet d'une peste et tout à coup, elle nous disait que le texte, in fine, n'était pas si différent du texte des pestes qui existent encore aujourd'hui sur Terre. Un virus entre, des millions en sortent, et chaque cellule est morte. Là, on les voit individuellement. à la recherche de leur prochaine victime, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à tuer. C'était donc bien moi, à Marseille, en 1720. Et surtout, c'était bien moi, entre 1346, voire 1330, voire même avant, et mon retour à Marseille. Bref, pendant 400 ans, c'était moi. Mais si je me suis installée aussi longtemps dans le paysage et dans les corps, j'ai bien dû y laisser une marque. En tant que généticien, on s'intéresse à l'évolution, à la sélection naturelle et à comment, par exemple, notre espèce, l'espèce humaine, a pu changer génétiquement au cours du temps. Et il s'avère que une des raisons pour laquelle notre espèce a pu évoluer, c'est celle des maladies infectieuses et des épidémies, des pandémies passées. Alors lui, c'est Étienne Patin, c'est un biologiste qui travaille sur l'histoire génétique des populations et il vient de lancer un programme de recherche pour savoir si les épidémies passées ont affecté notre patrimoine génétique. Concrètement, lorsqu'on regarde le génome des individus d'aujourd'hui, des populations humaines actuelles, on peut établir que certains endroits du génome ont été ce qu'on appelle sous sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des mutations à ces endroits-là qui nous ont permis de mieux survivre que les personnes qui n'avaient pas ces mutations, par exemple. Il y a eu de la sélection, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, parce que ce que vous essayez de savoir, finalement, c'est si les personnes qui sont mortes de la peste étaient plus susceptibles d'attraper la peste. Oui, tout à fait. Avec Louis Pasteur et puis d'autres personnes très influentes à cette époque dans le champ de la microbiologie, au début de la microbiologie, on a cette théorie microbienne des maladies qui nous laisse penser que les maladies transmissibles sont portées par des microbes. Mais elle a caché une autre petite vérité. Les maladies microbiennes, les maladies infectieuses, en réalité, les infections sont aussi un petit peu des maladies qu'on va dire génétiques. Et on peut imaginer que c'est la même chose pour la peste. C'est-à-dire que peut-être la population européenne, au moment où la pandémie de peste noire au Moyen-Âge a décimé presque 30 à 60% de la population, la population européenne était elle-même déjà, à ce moment-là, très susceptible à la peste. Et alors donc, quelle est la méthode que vous utilisez concrètement pour essayer d'explorer cette question? On combine deux approches différentes. Une expertise qui est génétique, où là, l'objectif est d'obtenir de l'ADN, de squelettes, de victimes de la peste noire, qu'on a identifiées parce qu'ils étaient enterrés dans des fosses communes, et parce qu'on date les fosses à la période de la peste noire grâce à des monnaies et à de la datation carbone 14. Et on compare donc ces victimes au niveau génétique avec des individus qui sont enterrés pas très loin, mais dans un cimetière ecclésial qui était utilisé après la pandémie. Pour ça, donc, on va récupérer les squelettes, on va extraire un peu de poudre, on en sort de l'ADN, et ça, on va le séquencer, et on compare les génomes anciens de victimes de la peste avec les génomes anciens de personnes qui ont survécu. La deuxième approche est celle de l'archéoanthropologie, qui vise à aller regarder les squelettes en détail, essayer de vérifier à quel point les individus avaient des signes de maladie ou d'état de stress important qui nous permettent d'avoir une meilleure idée des causes de la pandémie et à quel point les facteurs de l'hôte, de l'homme, sont responsables de sa gravité. Il est à peu près certain qu'il ne reste que nous sur Terre. Nous sommes les seuls survivants. 855 hommes et 8 femmes. À nous tous, nous avons du ravitaillement pour 2 ans si nous ne dépassons pas la consommation actuelle. Mais il faut travailler ensemble et mettre nos connaissances scientifiques en commun afin de survivre jusqu'à ce que le virus disparaisse. Et alors, qu'est-ce qui vous fait penser, Étienne Patin, que c'est une possibilité que cette grande peste ait pu affecter le patrimoine génétique ? On sait que de nombreuses mutations dans notre génome ont été sous sélection naturelle parce qu'elles nous ont protégés contre les maladies infectieuses. C'est-à-dire que c'est les individus qui ont la mutation ont plus de chances d'aller jusqu'à l'âge adulte et donc d'avoir des enfants. Et il s'avère également qu'on a ce genre de signaux qui ont été observés dans la population européenne. Et ce signal, c'est quoi ? On voit chez les populations européennes une mutation dans un gène qui s'appelle TLR1 et qui a également augmenté très rapidement chez les Européens. Et on sait que ces mutations, elles protègent contre les bactéries et elles changent notre réponse immunitaire. Donc il y a aussi cette petite idée de penser que peut-être c'était TLR1 qui nous aurait protégés contre la peste noire. Et vous, personnellement, vous avez déjà votre idée derrière la tête quant à ce qui pourrait expliquer justement cette virulence et le fait que certains soient morts de la peste et d'autres non ? Alors, je pense que le rôle de la génétique existe. Le rôle, probablement, de la susceptibilité et du statut socio-économique est probablement le statut nutritionnel, l'état de santé général, presque plus important que la génétique. L'autre point aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur les vecteurs, qui peuvent être autres que le rat, peuvent être autres que la puce. On peut imaginer d'autres vecteurs, et ça c'est d'autres recherches qui sont en cours, hein. Par exemple le pou de vêtements, ou ainsi de suite. Donc tout est encore ici à découvrir. Alors évidemment l'archéologie du pou va être un peu compliquée, mais il y a des choses à faire. J'ai envoyé des hommes à moi pour se renseigner en Suisse. Ils ne sont jamais revenus. Envoyer d'autres hommes, plus des brouillards, bon sang, il est capital de savoir qui a volé le virus. Mon seul contact était Krause, donc le MM808 est dans la nature, et on ne sait pas où. Mais si c'était moi sous Justinien, si c'était moi du 14e au 18e, si c'était encore moi ensuite, j'étais sans doute là depuis très longtemps. On commence à travailler sur la peste presque par hasard. J'étais à l'époque encore au Danemark, à Copenhague, et je venais de participer avec mon groupe à une étude qui s'intéressait au patrimoine génétique des habitants des steppes d'Asie centrale à la transition de l'âge du cuivre et de l'âge de bronze. Donc on est aux alentours, on va dire, du 3e au 2e millénaire avant notre ère. Et il nous a pris l'idée d'aller regarder dans cette soupe d'ADN ce qu'il y avait. Et on s'est rendu compte assez vite que dans certains vestiges, et pas qu'un peu en fait, dans 10 à 13% de plus de la centaine de sujets qu'on avait analysés, eh bien il y avait des traces génétiques de peste. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est de se rendre compte que cette version-là du texte, elle était différente, mais suffisamment proche des pestes d'aujourd'hui pour qu'on puisse la découvrir, mais surtout il y avait des endroits du génome qui n'étaient pas présents, notamment des gènes qui manquaient complètement dans cette peste-là. Et ces endroits qui manquaient, quand on a regardé quelle était l'information qu'ils portaient, mais on a eu la bonne surprise de se rendre compte que le gène qui contribuait à ce que la peste puisse être transmise par les puces manquait. Donc il était possible de penser que la peste de l'époque peut-être ne se transmettait que sous sa forme pneumonique, c'est-à-dire par la toux, et non pas dans sa forme bubonique. Donc on se rendait compte que finalement la peste n'était pas une affaire de notre histoire récente, mais c'était une affaire qui avait accompagné les populations quasiment sur la totalité des civilisations néolithiques. D'ailleurs, d'autres laboratoires ont trouvé qu'à peu près à la même époque, toujours la fin du néolithique, début du bronze, eh bien, il y avait des pestes dans d'autres gisements que ceux d'Asie centrale, vers la région actuelle de Samara, si vous voulez, dans le nord du Caucase. Eh bien, il y avait une forme de texte de l'époque, à la même époque, qui d'ailleurs, elle, porter les gènes qui permettent à la puce de nous transmettre la maladie. Vraisemblablement, au moins deux types de grands variants existaient déjà dès lors. Et si dès lors, à l'époque, il y avait au moins deux grands variants, on va dire la version bubonique et la version peut-être plus pneumonique de la peste, alors on imagine très bien qu'il faut remonter encore plus loin dans le temps pour trouver l'ancêtre commun à ces deux versions. C'est ça qui amène à un résultat aux alentours, selon les techniques, de 6000, 7000 à 8000 ans de cela, je veux dire avant aujourd'hui, et donc de dire que la peste, eh bien, c'était au moins une affaire de 5 à 6000 ans avant notre ère. Tenez, docteur Leisenau, c'est à vous de jouer, voilà le virus. C'est beaucoup plus qu'un virus. Le MM808. Oui, dès qu'on l'a trouvé, il a été facile d'isoler l'ADN. En d'autres termes, ce virus frappe si fort et se multiplie si vite, on ne peut le combattre avec aucun vaccin existant. Ah ! Excusez-moi. Vous avez un rhume ? Une dernière question, Ludovic Orlando. Quel effet ça fait quand on travaille comme ça, justement, vous parlez de ces toutes petites gouttes où tout d'un coup, dans cette soupe d'ADN, flotte la peste de 1347. Quel effet ça fait à la fois de travailler avec ces vestiges humains et puis au contact d'une histoire qui est une histoire qui a une importance énorme dans notre inconscient culturel et collectif. Le sens de votre question est très profond, c'est-à-dire qu'on manipule des gens. On manipule les vestiges de gens qui ont vécu, qui ont eu une histoire, qui ont eu peut-être même des enfants, qui ont eu des émotions, qui ont eu une culture, qui ont développé tout ça. Et je dois dire que Évidemment, tout ça se fait dans une relation qui est la plus respectueuse possible, et pour ça, on a les instruments de l'éthique hein, pour nous aider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer notre travail comme celui d'un dépouilleur de sépulture, de nuit, en catimini, dans le dos des institutions. En fait, tout ça se passe de concert, et il y a toute une démarche éthique d'autorisation à obtenir avant de faire ce travail-là. Ensuite, une fois que tout ça est obtenu, je dois dire, dans mon expérience, très souvent, on voit des profils de personnes qui agissent, j'imagine, comme un chirurgien de très haut vol, c'est-à-dire quelqu'un qui, s'il commence à imaginer vraiment l'individu derrière le geste technique, donc très souvent, il y a un rapport presque clinique quand le geste opératoire est fait, mais ensuite, c'est dans le moment de l'interprétation que la dimension humaine de ces sujets-là réapparaît. Et d'une certaine manière, il y a une certaine noblesse à ça, puisque on peut aussi voir notre métier comme une tentative, alors certes désespérée d'une certaine manière, de résister à la mort, c'est-à-dire de persister à faire vivre ceux qui ne demandent qu'à disparaître d'une certaine manière. Mais j'ai vu aussi dans mon laboratoire des gens qui réagissaient dès le départ d'une manière très émotive face à ces défunts-là. Par exemple, il y a dans mon laboratoire une personne qui est une native amérindienne de la tribu des Oglala, qui elle a un certain rituel de chant et de pensée avant d'entamer le travail de laboratoire. Et je suis assez heureux de voir que un travail qui pourrait être souvent trop décrié comme essentialiste, hein, l'ADN c'est quelque chose qui nous résume à tout sauf notre culture, hein, eh bien en fait, est le point de jonction de pas mal de cultures, vous voyez, la culture indigène ou des cultures de par chez nous ou des émotions différentes face à finalement une même responsabilité morale qui est celle de faire du mieux possible la preuve de respect à ces restes d'individus passés. La fille de Hugonet Juan, André Le Fusset, le fils de Michel Bulmont, le fils de Jean Parencois, la femme d'Henri Droche, la fille de Jean-Luc Dufour, Martin Par, Jean Chénery, Jean-Père, Pierre Dess, le Dilassica, la femme de la femme d'Henri Droche. Merci à Ludovic Orlando, Étienne Patin, Maxime Schwartz et Michel Signoli. Merci aussi à l'Institut Pasteur. Lecture, Sarah Chaumette et Éric Herson-Macarel. Documentation, Antoine Vuillose. Prise de son, Yves Lehors, Christophe Papon et Julie Garraud. Mixage, Éric Boisset. La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. L'ADN du mal, Perrine Kervran, Anne Pérez.